Didina Grégory, est-ce qu'il relève aussi le journal à la tribune? Journal ni. La tribune. Ah, mais bien sûr, journal à la tribune. Et comment le gars m'a qu'il a un autre micro-mios, il faut que je la fasse pour que je la fasse. On a mon bonjour, les gars, on a ma boko pamba. Non, comment tu as un goût, Yotanga? Bon, merci. La tribune, oye! Oye! La tribune, quotidien du sang, y'a Congo, Baninga, Totangaï. La Kinshasa. Pena Lubumbashi, na Maltadi, Totanga la tribune. La tribune, quotidien d'histoire ya Congo, Baninga Totangae. Na Lulwa Bourre, Bukavu Mbujimai, na Kolwezi, Totanga la tribune. La tribune, quotidien d'histoire ya Congo, Baninga Totangae. Na Kisangani, Banda Kape Bantundu. Baninga Totanga la tribune. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totanga. Et selon moi, yo tata ya esika, salama kasi Totanga la tribune. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totanga. Na Congo, Baninga Totangae. Na Kinshasa, Pena Lubumbashi, na Matadi, Totanga la tribune. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totangae. Na Lulwa Bourre, Bukavu Mbujimai, na Kolwezi, Totanga la tribune. La tribune. Quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totangae. Na Kisangani, Banda Kape Bantundu, Baninga Totanga la tribune, oye. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totangae. Et selon moi, Yotata ya Esika, Salama Kasi Totanga la tribune, oye. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totangae. La tribune, quotidien d'histoire à Congo, Baninga Totangae.